Internet est-il une révolution ? Il est parfois difficile pour les historiens, pour les journalistes, pour les philosophes, comme pour tout le monde, de définir ce qui caractérise une rupture historique. Ce qui fait finalement que dans tel ou tel domaine, l'après ne sera jamais plus comme l'avant en raison d'un acte des humains ou d'une invention technique. On le sait après coup, en général parfois très longtemps. Après coup, peut-être que Gutenberg n'avait pas conscience des effets majeurs de la révolution qu'a impliqué l'invention donc de l'imprimerie. Et les inventeurs de l'écriture, n'en parlons pas, ils ne nous ont pas laissé leur nom alors que cette révolution a effectivement tout changé parmi les humains. Il y a une révolution aujourd'hui, quelque chose dont nous pressentons que c'est révolutionnaire, dont nous sommes les témoins et dont pourtant nous n'avons peut-être pas encore pris la mesure, c'est ce qu'on appelle la révolution numérique, c'est Internet. Les philosophes en particulier n'en ont pas pris la mesure totalement. Ils pensent, bien sûr, comme tout le monde, que cela change des choses très profondément dans un domaine ou un autre. Par exemple, en politique, on parle des réseaux sociaux, par exemple, dans tel ou tel domaine et dans nos pratiques quotidiennes. On sait bien que cela change nos usages. Mais ce dont il faut prendre la mesure, c'est probablement, nous le verrons après coup, mais nous n'avons plus le temps d'attendre, qu'Internet a tout changé et dans tous les domaines. Le rapport au savoir n'est plus le même. Les étudiants, les élèves, les enfants, les personnes de toutes conditions vont désormais d'abord sur Internet. C'est Internet, peut-être pour le meilleur ou pour le pire, notre premier instituteur. C'est notre encyclopédie, c'est aussi notre mode de communication. Certains, justement, en approuvent les bénéfices, d'autres en critiquent les dangers. C'est là que se passent les guerres aujourd'hui. La cyberguerre n'est pas une guerre parmi d'autres. C'est probablement une dimension de toutes les guerres et probablement la première de toutes les guerres aujourd'hui, à la fois dans des usages des messages numériques, de terreur ou de propagande, ou bien dans les manipulations cachées de nos outils politiques et de nos sociétés. Aussi, bien sûr, dans tous les domaines, on pourrait montrer dans la médecine, dans tous les domaines, à travers les données, comment tout est changé en profondeur par Internet. Il faut donc prendre la mesure très profondément dans chaque domaine de la révolution majeure, de ce qui est qualitativement et définitivement nouveau avec un outil comme le numérique et Internet en particulier. Pourtant, il y a quelque chose qui, on l'a vu d'ailleurs au passage dans ses premières remarques, ne change pas et qui doit rester notre boussole. C'est que les techniques ne déterminent jamais a priori leurs usages et que ce qui ne change pas, c'est justement l'usage de ces techniques pour le meilleur ou pour le pire, pour détruire ou pour sauver, pour la médecine ou pour la guerre. Et finalement, il y a des techniques qui sont peut-être intrinsèquement dangereuses. Peut-être que finalement, le nucléaire, à travers ses déchets, pose des dangers si incommensurables qu'ils ne peuvent pas compenser leurs usages positifs. C'est une question très profonde, très difficile. Internet, il est très clair que ces usages positifs sont encore capables, peut-être, de contrecarrer les risques et les usages négatifs ou destructeurs. C'est en tout cas le défi, le double défi, prendre la mesure de cette révolution qui définit notre présent, mais surtout de son ambivalence, et monter dans la bonne direction avant qu'il ne soit trop tard.